Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. On dit que le public ne vient plus dans les salles de cinéma, ne vient plus débattre. Mais dans ce cas-là, il faut aller vers eux. Cette semaine, un festival. On se veut un lieu qui propose son propre programme, mais aussi un lieu qui est en mesure d'accueillir d'autres événements sur le sujet des droits de l'homme, mais aussi de répercuter d'autres événements qui ont lieu ailleurs. Préparer, accueillir et faire connaître artisans et organisateurs. Souvent, ce qu'on recherche, ce qu'on défend, ce sont des films qui ne sont pas d'emblée les solutions faciles. L'enthousiasme, la rêverie, l'humour parfois aussi, et puis l'envie que le monde change. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on partage. La bonne nouvelle, c'est que ça veut dire qu'il faut faire les choses ensemble. Le FIFDH, Festival International du Film et Forum des Droits Humains, est l'événement le plus important dédié au cinéma et aux droits humains à travers le monde. Il se tient normalement chaque année au cœur de Genève, la capitale internationale des droits humains, chaque année, sauf cette année. En effet, c'est par un communiqué de presse que nous avons appris la décision d'annuler l'édition 2020 pour des raisons évidentes liées au Covid-19. Malgré cette décision, nous avons décidé de conserver la semaine que nous avions enregistrée afin de faire entendre les voix de celles et ceux qui se battent au quotidien pour la réalisation d'un tel événement. L'annulation de cette édition n'annule pas la somme des efforts qui y a été consacrée. Pour en parler aujourd'hui, notre dernière invitée, la directrice du festival, Isabelle Gattiker. Oui, ça fait 7 ans. Que je suis là, et ça a été une histoire assez extraordinaire, ces 7 ans, ces 6 ans. L'envie de départ, c'était vraiment de se dire, on a un festival qui est très connu au centre de Genève, à plein palais, avec des débats, des films, mais de nos jours, c'est quand même pas très compliqué d'extraire ces films, de les sortir et d'aller vers le public. On dit que le public ne vient plus dans les salles de cinéma, ne vient plus débattre. Ben dans ce cas-là, il faut aller vers eux. Donc un des premiers mouvements qu'on a commencé, c'était ce mouvement vers tout ce qui fait Genève. Pas uniquement le quartier de Plainpalais, pas uniquement les universités, mais aussi les communes du Grand Genève, les villages de la Champagne, par exemple. Aussi les foyers de personnes migrantes, les prisons, les hôpitaux psychiatriques, les clubs sportifs. Et utiliser le cinéma pour rassembler et activer les consciences aussi et créer des échanges qui sortent un peu à la fois de la bulle des habitués de ces échanges, mais aussi d'Internet qui reste un peu, et c'est assez dramatique, le seul lieu où on débat encore de nos jours et quel débat souvent pitoyable. Alors, faire quelque chose comme ça sous-entend qu'il va falloir passer par-dessus les clichés, les représentations que ces mondes qui ne cohabitent pas forcément, qui sont relativement étanches l'un vis-à-vis de l'autre. Donc il va falloir, dans ces cas-là, être doué pour l'argumentation, pour parvenir à convaincre. Et comment vous y êtes-vous pris? Parce que si c'était pas comme ça et que ça l'est devenu, c'est qu'il a bien fallu à un moment passer à l'acte. C'était effectivement toute une aventure. On a été reçus avec beaucoup de points d'interrogation sur la tête, pour reprendre un peu une image à la Donald Duck. Mais pourquoi? J'aime votre talent euphémistique. Mais pourquoi? Comment? Mais ça va pas marcher. Je me souviens, par exemple, pour donner un exemple très concret, dans la commune de Bernay, une des premières communes qui nous a accueillis, nous avait dit, on n'organise pas grand-chose de culturel, c'est impossible que des habitants de Bernay viennent regarder un film. Et on leur a projeté... C'était l'heure, c'est couvre-feu. Oui, parce que c'est tout simplement pas habituel, disons. Bien sûr que les habitants de Bernay sortent et vont au théâtre, mais sont pas habitués à le faire dans leur commune et dans leur salle communale. En tout cas, pas pour des films comme ça. Et on a projeté un film iranien, et dès la première édition, il y avait 250 personnes. Donc c'était gagné. C'était la même chose aussi au centre de détention de la Clairière. Et là, à chaque fois, c'était une argumentation différente, mais qui tournait autour de « laissez-nous essayer ». Finalement, les droits humains, quand on les perçoit au sens large, nous rassemblent tous. C'est quelque chose qui rassemble largement tous les partis politiques, démocratiques. Laissez-nous essayer, on essaye, et puis si ça marche pas, on vous embêtera pas, on part. Et qu'est-ce qu'on peut dire à cet argument-là d'autre que d'accord, voilà la salle communale est testée. Une autre manière de faire fonctionner ce programme, ça a été d'envoyer des stars dans ces lieux. Par exemple, Eric Cantona, le footballeur, comédien, engagé aussi, on l'avait envoyé à la Maison Vedagne à Mérin. Donc si vous vouliez rencontrer Eric Cantona au festival, il fallait aller à la maison de quartier de Mérin. Donc c'était un mélange aussi extraordinaire de gamins qui jouaient à FIFA, en fait, sur les jeux vidéo, et d'habitants classiques de Genève qui sortaient du bureau. Pour aller l'écouter, un autre exemple, c'est Gaël Garcia Bernal, grand comédien mexicain, qui, lui, a été uniquement au foyer de personnes migrantes de Saconnet, au centre d'hébergement de personnes migrantes de Saconnet. Pareil, vous vouliez rencontrer Gaël Garcia Bernal au festival, très bien, mais vous allez le faire avec des réfugiés afghans, pakistanais, syriens. Et ça aussi, ça a permis de rassembler les foules, le fait d'avoir des stars qui bougent. C'est pas très compliqué, une fois qu'ils viennent à Genève, ils sont au contraire très contents si on leur dit, ben, venez discuter, puis on fait un débat de haut niveau. Mais demain, par contre, vous allez dans un centre sportif discuter avec des habitants du quartier. Au contraire, ils sont contents. C'est quelque chose qu'on leur propose jamais. Et donc, c'est aussi ce qui permet de rencontrer deux mondes, je crois. L'enthousiasme, la rêverie, l'humour, parfois aussi, et puis l'envie que le monde change. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on partage. Alors ça paraît tout simple quand vous le dites, Isabelle, et puis comme vous l'avez effectivement mise en pratique, on sait que vous pouvez vous appuyer sur cette expérience. Néanmoins, quand on bâtit quelque chose qui n'existe pas encore, soit c'est parce qu'on est doué d'un certain pouvoir d'imagination, soit c'est parce que dans sa propre vie, on a pu percevoir très intimement des limites, des barrières, des frontières qu'on estime insupportables et qu'on a envie de dépasser. Est-ce que on est dans l'un ou l'autre cas? Moi, je crois que ça vient de, c'est exactement l'inverse. Moi, ma vie m'a montré qu'il n'y a pas de barrière insurmontable. Et mon père était diplomate, donc j'ai toujours voyagé, j'ai toujours été un peu transportée de pays en pays. Et donc tous les 3-4 ans, voilà, c'était l'Italie, la Colombie, Paris, le Paris chic du 7e arrondissement, donc des milieux totalement différents, des situations différentes, complètement différentes. Mais à chaque fois, c'est pas, enfin, j'ai en tout cas appris à m'adapter à l'autre, à adapter mon discours à l'autre, donc c'est-à-dire dire exactement la même chose, mais écouter ce qu'il a à dire, essayer de comprendre si quelqu'un n'est pas d'accord, pourquoi est-ce qu'il n'est pas d'accord. Donc ça demande juste un tout petit peu de curiosité, d'empathie envers l'autre. Et à partir du moment où la personne arrive à exprimer son désaccord, ben, c'est là qu'on peut débattre et essayer de le convaincre. Mais au-delà de ça, à partir du moment où on a des moyens, et en Suisse, Dieu sait si on en a, où on nous laisse débattre, et Dieu sait si en Suisse, heureusement, on nous laisse débattre, c'est plutôt non, il n'y a pas de raison que ça marche pas, en fait. Donc je pense aussi qu'une partie du fait que ce pari fou a été réussi, c'est parce que je me suis jamais dit qu'on pouvait me dire non. Je vois pas pourquoi on me refuserait, on nous refuserait d'aller projeter un film et de donner des micros à la salle pour parler d'une cause humanitaire, humaniste importante. Pardonnez-moi, mais encore faut-il avoir l'art du clignotant de pouvoir dire bah, « laissez-nous essayer, on n'insistera pas si ». Ça, c'est quand même un argument fin, subtil, et qui finit par arriver à ses fins. Absolument, absolument. Et effectivement, on ne vous demande pas d'argent. Alors, on l'a fait au début, le festival avait déjà un gros budget, mais au début, c'est vrai qu'on l'a lancé de manière assez bénévole, en disant « on ne vous demande pas d'argent, vous nous ouvrez votre salle un soir et on s'occupe de tout le reste, et puis si ça ne marche pas, on s'en va ». Effectivement, ça a laissé un petit peu tout le monde désemparé. Un des publics les plus difficiles à conquérir, pas le public, mais les organisateurs, ça a été les prisons. Ça a été La Brenna et Chandelon. Ils n'étaient pas contre, mais ça a été un travail de conviction et un petit travail de fourmi pour arriver à les convaincre que ça avait un sens de montrer des films aux prisonniers, que ça allait être participatif, que ça allait être aussi quelque chose qui allait apporter une sorte de formation professionnelle, puisqu'on va pendant 5 semaines en prison, et que ça allait pas créer de conflit. Et on l'a vu aussi dès la première édition, au contraire, le fait de voir des films parfois très durs pour des publics qui ont eux aussi, parfois, vécu des choses très dures, que ce soit dans les prisons, en hôpital psychiatrique, et pour des raisons totalement différentes, hein, des gens qui ont des parcours de trajectoire parfois complètement tragiques. Et ben justement, le fait de leur montrer des films, parfois tragiques aussi, mais qui parlent d'autre chose, a aussi une vertu thérapeutique et d'engagement. On sort un peu de sa douleur, en fait. On sort de sa douleur en pratiquant l'empathie aussi pour la douleur des autres. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas quand on a lancé le programme. C'est venu petit à petit, parce que petit à petit, en prison ou pour des publics aussi réfugiés, on s'est rendu compte que les films devenaient de plus en plus difficiles et que parfois, au contraire, plus les films étaient complexes et difficiles, plus ils étaient intéressés. Parce que quelque chose qu'on a fait depuis le début, c'est faire appel à l'intelligence des gens. Et c'est rare qu'on fasse appel à l'intelligence. Et donc quand on dit à quelqu'un, je vais vous projeter un film qui est complexe, il va falloir s'accrocher, il dure 2 heures, il n'y a pas de voix off, il n'est pas simple à saisir, mais il va falloir se concentrer pendant 2 heures, mais je sais que vous allez y arriver, et on va en débattre après, et le cinéaste est là pour en débattre, et on a des gens qui sont là pour en discuter avec vous, et ben ça marche. On part du principe que les gens sont intelligents, que les gens sont curieux, et que les gens veulent que le monde aille mieux, et que ce souci de justice, il est partagé par tout le monde. Lors même que l'air du temps veut qu'il y ait une sorte d'accentuation du travail prémâché. Oui, c'est un festival qui, à sa manière, va justement contre cet air du temps. On bouffe des films prémâchés, on bouffe des reportages, des toutes petites captations vidéo qu'on attrape sur les réseaux sociaux, qui sont likées par nos amis, par tous ceux qui pensent de la même manière. Et ben, on fait exactement l'inverse. On prend le temps de regarder des films longs et complexes. On prend le temps de débattre avec des personnes avec lesquelles on n'est pas du tout d'accord. Et on pense, oui, que le monde peut aller mieux, ou même on pense que le monde va aller mieux. Donc dans ce sens-là, le FIFDH est complètement à rebours de son époque. Vous dites, là, Isabelle Gattiker, un argument qu'Histoire Vivante considère plus que légitime, qui est la question de la longue durée, du temps, s'inscrire dans le temps, éviter, voire même s'opposer à la notion du zapping. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, est un penchant naturel? Est-ce que c'est au contact de l'expérience que ça vous est apparu de plus en plus comme une évidence? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la complexité. J'ai horreur de la paresse intellectuelle, du facile, des mots prémâchés. Et j'aime la surprise, j'aime la complexité, et j'aime être un peu emmené dans une histoire et renversé par une histoire. Ou par une pensée. Et pour ça, il faut du temps. Par exemple, j'ai toujours détesté les courts-métrages. La plupart, je généralise, il y a certains qui peuvent être touchants, mais en soi, par exemple, de regarder un programme de court-métrage, ça ne m'intéresse absolument pas. Par contre, un film, en 1h30, peut tout à coup nous emmener, on a l'impression qu'un personnage est, pour simplifier, gentil, méchant, tout à coup on va voir apparaître des zones grises, et c'est là, dans ces zones grises, dans cet imprévu, dans cette surprise, que se situe ce qui m'intéresse pour le festival. Vous conviendrez néanmoins que la nouvelle en littérature recèle bien des surprises, si on pense à des Buzzati ou si on pense à des Roald Dahl. On peut, en l'espace de quelques petites pages de rien du tout, l'équivalent à peu près d'un court-métrage, faire assaut de surprises. Eh bien, j'ai jamais aimé les nouvelles non plus. Je vais vous décevoir. Je l'avais bien deviné. Je préfère les romans épais parce que oui, c'est de la surprise, c'est du gimmick, mais c'est pas la profondeur d'un personnage et c'est pas la profondeur d'une histoire. Rappelons que le FIFDH édition 2020 a été annulé pour cause de Covid-19. Il présentera cependant un programme actualisé comprenant 27 débats et entretiens avec des intervenantes et intervenants de premier plan et transmis en direct sur Internet. Rendez-vous sur le site du festival pour prendre connaissance des dernières informations. Nous retrouvons Isabelle Gattiker, directrice du FIFDH, au micro de Jean Leclerc. On a eu envie de lancer plusieurs nouvelles actions. C'est toujours une espèce de recherche de mélange de public et de nouveaux publics et de mélange de nouveaux publics. Donc on est en train de lancer beaucoup d'actions pour des personnes défavorisées. Donc on continue une action de billets suspendus. On est, à ma connaissance, le seul festival de cinéma qui fait ça. Des spectateurs peuvent offrir des billets de cinéma à des personnes qui ne peuvent pas se les payer. Ce qui permet, donc, parce que nous, on a un problème, c'est que les séances sont pleines. C'est la seule plainte qu'on a du public vis-à-vis du FIFDH, c'est que tout est complet. Donc, on est toujours ravis d'offrir des billets à des personnes qui n'ont pas les moyens, mais c'est vrai qu'à la fin, ça fait une perte de billetterie. Et ce système de billets suspendus a été donc inauguré l'année dernière. Donc ça, on peut continuer à travailler dans cette optique-là. Et élargir. On peut toujours élargir, on peut toujours continuer à élargir. Et un grand focus, c'est les jeunes. Ça peut sembler banal de le dire, mais moi, j'aimerais qu'on arrive enfin à lancer des projections tout au long de l'année dans les écoles genevoises. On organise énormément de films et de projections pendant les 10 jours du festival. 3000 élèves viennent à peu près. Mais ça reste des projections au centre de Genève. C'est formidable, c'est des élèves qui viennent au festival. Mais j'aimerais aussi qu'on aille dans les écoles, parce qu'il y a des écoles qui sont trop éloignées pour venir. Il y a aussi des écoles qui rentrent parfois difficiles, les sorties scolaires pour des élèves, parce qu'il faut les libérer pendant tout un après-midi. Ils sont dans des classes séparées, donc il faut réussir à libérer toute une classe. Ils n'ont pas forcément les cours en même temps. Et si on va dans l'école, alors là, c'est beaucoup plus simple. Et là, on peut rassembler beaucoup plus d'élèves. On peut aussi mélanger des élèves à l'ACPO, des élèves dans les classes spéciales, des élèves qui ne parlent pas encore français, qui sont à chaque fois parfois des micro-classes. Les élèves en apprentissage, et il y a énormément à faire, et c'est très difficile encore de convaincre le DIP, mais je lâche jamais. On va finir par y arriver. Mais là-dedans, en tout cas dans ce terreau des jeunes, il m'intéresse, parce que les enfants à l'école primaire sont formidables, mais c'est pas là où on peut faire un vrai travail. Là, il y a déjà beaucoup de sensibilisation qui est faite en primaire, mais c'est à partir du secondaire qu'il m'intéresse, parce que là, de regarder un film profond, complexe, engagé, c'est là où il y a une vraie empreinte qui se fait, où ils comprennent les problèmes, ils comprennent qu'ils peuvent s'engager, et c'est là où l'empreinte se fait à vie. Je crois qu'on a tous et toutes l'exemple d'un film qu'on a vu à l'âge de 13, 14, 15, peut-être 16 ans, pas plus, mais vraiment entre 13 et 16 ans généralement, qui nous a profondément marqué, qui a complètement bouleversé notre manière de voir le monde. C'est ces films-là qui m'intéressent, et c'est cet âge-là aussi qui m'intéresse. Là, on peut faire plus. C'était lequel, le vôtre ? C'était La Nuit des Crayons. Un film argentin que j'ai vu quand j'avais 13 ans en Colombie, qui parlait de l'arrestation et de la torture d'étudiants en Argentine au début de la dictature. Un film très très dur. J'étais beaucoup trop jeune à 13 ans pour aller le voir. Mais notre prof à l'époque au lycée français de Bogota avait estimé qu'on avait l'âge. J'ai fait des cauchemars pendant 5 jours autour de ce film. Mais en fait, j'y repense. Je continue à y penser très très souvent. Qu'est-ce que c'est d'être étudiant où ils étaient un peu plus âgés que nous ? Ils ont tous été massacrés, violés, torturés, tués, les uns après les autres, sauf un, c'est celui qui raconte l'histoire du film. Donc, La Noche de los Lápices. Ces cauchemars se sont trouvés sublimés dans un projet. Oui, à cet âge-là, on peut supporter, c'est pas très grave. Au contraire, si on est bien encadré, si on est encadré par des enseignants, si on est encadré par des amis, si on est encadré, on peut supporter des choses dures, et au contraire, c'est important de le faire. Il faut pas mettre les adolescents dans des cocons. Alors, on a envie d'entendre forcément Isabelle Gatiker. Quels arguments, pour le moment encore, on vous oppose, puisque quand on vous entend là proposer un pareil sujet, on a tous envie de signer en bas de la page la pétition. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Non, c'est compliqué, non, ça va coûter cher, non, ils sont trop jeunes, ils sont trop fragiles, on les aime, on veut pas que vous les... Pour l'instant, le DIP, alors on a une première ouverture pour les cycles d'orientation. Il faut toujours trouver la bonne personne, en fait. Pour décloisonner ces publics, l'année dernière, c'était le cas aussi avec les centres d'action sociale. Il faut toujours trouver le grain de sable dans la machine administrative. Je crois que personne au département de l'instruction publique n'est opposé à ce que les élèves ne voient des films du festival. Il faut trouver la facilitatrice, ou peut-être un peu punk, un peu, qui accepte parfois de faire des heures supplémentaires parce qu'il faut de l'énergie. Et je crois qu'on l'a trouvé au cycle d'orientation. Isabelle Philippe Genevet, il a trouvé, je crois, une voie pour qu'on aille dans les cycles d'orientation. Et on a plusieurs profs maintenant qui sont intéressés, et on a trouvé. Maintenant, il faut encore trouver pour le secondaire. Mais voilà, personne n'est contre. C'est la machine administrative, c'est le... On a beaucoup de projets, on a peu de moyens, etc., etc. Mais moi, c'est des arguments qui m'ont jamais convaincue. Et pour l'instant, on a toujours réussi. Il n'y a pas de raison qu'on finisse pas par réussir. Je suis un peu comme le pivert ou la goutte dans le rocher quand ça marche pas, et je reviens, et toujours avec le sourire, en disant bon, alors on n'a pas pu cette année, mais cette année on va y arriver. L'année dernière on n'a pas pu, mais là hein, pourquoi pas. Et puis finalement il craque, et puis il nous laisse entrer, puis une fois qu'on est entré on sort plus. Vu Isabelle Gattiker, l'orientation qui est désormais donnée sous votre présidence, direction du festival, est-ce qu'à votre connaissance, d'autres festivals ont reluqué votre travail, s'en sont inspirés, puisque, comme on le disait, vous nous disiez en début d'entretien, vous avez démarqué un peu ce qu'on attend a priori d'un festival. Est-ce que ça a fait des petits ailleurs? Et est-ce qu'il pourrait y avoir, à penser, une forme de chaîne qui permettrait notamment d'enjamber les questions de calendrier, de choses comme ça? Alors d'abord, nous avons fait des petits, puisque nous avons projeté des films depuis l'année dernière dans 55 pays à travers le monde, au Pakistan, en Égypte, en Russie, au Guatemala ou ailleurs, en utilisant le réseau des ambassades suisses. On a projeté des films, donc j'étais à Caracas il y a un mois. C'était un débat extrêmement puissant qui était monté dans les bidonvilles de Caracas autour du film Chasseur de crimes, consacré notamment à l'enquête contre le Guatémaltais Sperizen, Erwin Sperizen, jugé par trial. Donc on montre ce film autour d'une enquête contre un criminel de guerre international dans un bidonville, dans une école, 200 élèves entre 15 et 19 ans et 200 familles de victimes. Donc une femme était là, par exemple, et pleurait parce que des policiers en uniforme ont assassiné ses deux fils uniques, 2 mois auparavant, d'une balle dans la tête chez eux, sans que personne ne les écoute. Donc ça, qui mieux que le FIFDH? Et là aussi, on adore critiquer la Suisse au festival, et on le fait très régulièrement, mais on sait aussi rendre hommage à notre pays qui arrive justement à défendre aussi ces droits de l'homme à travers le monde, et à défendre aussi la notion de débat et la notion du fait qu'il faut s'écouter aussi parfois les uns les autres. Par rapport à faire école, oui, je suis régulièrement invitée à travers le monde pour parler de ce que fait le festival, pour raconter cette envie. 2013, quand on a lancé ce projet, ça se faisait pas encore beaucoup de projeter des films. Les distributeurs aussi étaient très frileux. Ils disaient, projeter un film dans un gymnase, bof, moi je veux un vrai cinéma. Je pense qu'on a fait beaucoup bouger les lignes par rapport à ça. Donc oui, ça fait école, mais d'un autre côté, c'est difficile de le reproduire tel quel, parce que quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est l'inscription de ce festival dans Genève. Il est impossible à reproduire parce que Genève est impossible à reproduire. Et un bon festival de cinéma, c'est d'abord un événement qui est complètement inscrit dans l'ADN et dans le terreau de son territoire. Qui a sa cohérence avec le lieu. Et quand j'en parle avec des festivals semblables, on est 45 festivals autour des droits humains à travers le monde, très clairement, ils me disent qu'il n'y a pas du tout cette même notion d'attachement des habitants à une notion des droits humains, ce qui est le cas à Genève. Même quand on va dans des communes très éloignées du centre de Genève, des communes très rurales... Ça rayonne et les habitants s'identifient à la Genève internationale, la Genève humanitaire, et sont fiers de faire partie de Genève, qui est la capitale des droits humains, à tort ou à raison. Ça, c'est un autre débat. Mais c'est vrai qu'on a quand même très conscience qu'on vient d'une ville qui est connue à travers le monde pour ça. J'étais en Tanzanie il y a 2 ans, et en atterrissant à l'aéroport de Arusha, sur la tour de contrôle, en immense, il y a écrit « Arusha is the Geneva of Africa ». Arusha est la Genève de l'Afrique. Et c'est drôle, je me disais, c'est vraiment comme si Genève était devenue, au-delà de son... Une marque pas déposée, certainement pas déposée, et elle ne le sera jamais, j'espère. Mais la marque ou le symbole, le label de Genève, ça veut dire la paix, ça veut dire les droits humains, ça veut dire le dialogue. Et ça, tous les habitants le savent, d'où aussi le fait que notre projet soit viable et déchaîne autant d'enthousiasme parmi des publics aussi différents. La chance qu'on a aussi à Genève, et qui est beaucoup moins partagé dans d'autres territoires, c'est qu'on a un immense respect, ou en Suisse en tout cas, mais à Genève et en Suisse, cette notion de respect du débat. Par exemple, en France ou en Italie, même dans des pays bien entendu démocratiques, c'est compliqué d'aller critiquer, c'est compliqué de débattre, c'est compliqué de... Si typiquement on va aller voir une banque pour demander de l'argent pour un événement qui critique ouvertement le système bancaire, vous n'allez jamais recevoir d'argent. Le festival, alors qu'on a largement critiqué la Genève financière ou le système bancaire suisse et les réseaux de corruption, a un soutien petit mais quand même très important pour nous de la Banque Pictet, de la Banque Lombardier, etc. Alors, vous voyez déjà votre mission telle que je vais vous la formuler. Ma chère Isabelle Gattiker, c'est qu'il va falloir faire en sorte que cet esprit de Genève, pour l'appeler selon une formule consacrée, le festival en soit le chevalier itinérant. Il va bien falloir faire de la contagion autre qu'un virus asiatique, pour faire en sorte que cet esprit-là, le plus grand nombre à la surface de la Terre, puisse le partager. Est-ce que ça fait partie des choses que vous ne vous interdisez pas de penser? Ce que j'ai vu, je ne suis pas allée dans les 50 pays où nous avons présenté des films, mais ce que j'ai vu à chaque fois, par exemple au Caire, dans le dernier cinéma du Caire, on a projeté un film autour des droits des femmes, ou à Moscou, on a projeté L'Ordre Divin, sur comment les femmes suisses ont obtenu le droit de vote, ou ont poussé les hommes pour obtenir le droit de vote. C'était extraordinaire parce qu'à chaque fois, on voit une lumière qui se réveille chez les gens. C'est parfois pas des publics énormes, il y a peut-être parfois 100, 150, 200 personnes, pas beaucoup plus. On n'arrive pas à attirer les 900 personnes qui viennent écouter Roberto Saviano ou Ai Weiwei ou FIFDH. Mais ceux-là, là aussi, ils m'intéressent. C'est comme avec les adolescents qui viennent pour nos projections scolaires. Quand on est dans des univers où on n'a jamais le droit de s'exprimer, de voir tout à coup un film qui dénonce ouvertement, de donner la parole, de se retrouver avec un micro et de pouvoir parler, parce que voilà, c'est toujours des thèmes qui ne mettent pas en danger les habitants. Hein. C'est assez fascinant. Donc j'espère que ça va se disséminer. Mais il faut aussi toujours se dire que on est sur un temps long. Oui, en ce moment, le monde va mal, le monde est désespérant. Mais ça va se retourner. Et à ce moment-là, oui, la contagion se fera. Alors, insu, est-ce que des Trump, Bolsonaro, la liste est tellement longue que on ne la dira pas maintenant, le temps d'antenne nous est compté. Vous êtes finalement, paradoxalement, relativement favorable. Alors oui, il faut le dire très clairement, oui, le fait que le monde va mal a poussé beaucoup de gens à soutenir ce festival. Ça, on ne va pas... Évidemment. Concrètement, vous voyez un renforcement. Concrètement, ouais. Tout le monde s'est rendu compte, en tout cas à Genève, dans les soutiens, les partenaires, qu'il faut agir. Beaucoup de gens qui s'étaient jamais souciés de l'avenir du monde, tout à coup, se sont réveillés en voyant à nos portes chez nous, des milliers de migrants morts en Méditerranée ou qui arrivent ici dans des conditions effroyables, en voyant l'esclavage revenir en Libye, en voyant la montée de Salvini en Italie, la montée des extrêmes droites en Europe, on n'est pas loin et on n'est pas à l'abri en Suisse, certainement pas à l'abri, en voyant aussi l'effondrement des médias suisses. Donc une sorte d'effondrement, pas un effondrement démocratique en Suisse, mais quand même des fractures dans la démocratie très claires. Donc un sentiment de danger, un sentiment d'un monde où il faut qu'on se réveille. Donc ça, oui, ça amène des gens au festival, ça amène des enseignants qui viennent avec leurs élèves, ça amène un public qui a envie d'apporter sa pierre et de se dire... J'essaie toujours de me rappeler, je le dis très souvent, je crois que tous ceux qui viennent à ce festival le ressentent aussi, dans 20, dans 30 ans, on aura des enfants, des petits-enfants ou des neveux et nièces qui nous diront, en ce temps-là, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as agi? Et toi, tu étais où? Et je crois que, j'espère qu'on pourra se dire que... Non, je sais qu'on pourra se dire que oui, dans ce temps-là, peut-être qu'on n'a pas réussi à changer le monde, mais au moins, on était au bon endroit et on a défendu des valeurs justes. Merci à vous, Isabelle Gatticaire, d'être venue au micro d'Histoire Vivante. Merci, Jean. Demain, au micro d'Histoire Vivante, la réalisatrice du prochain documentaire d'Histoire Vivante, à découvrir dimanche soir sur RTS2, mais également sur le site des docs de la RTS, nous recevrons Daniel Allais pour son film Viol de guerre. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. avec aujourd'hui la participation de Christian Morero, David Golan, Corinne Rocha, Valérie Danton, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première et il est 14h.